J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Bonjour et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics dans cette troisième émission de la saison 2. Avec, il y a beaucoup de monde autour de la table, il y a même la première fois un public, on applaudit le public. D'habitude c'est l'inverse. Ouais. Et bah pour une fois, il y a plus de chroniqueurs que de public, donc voilà. Donc le programme de l'émission, des petites news comme d'habitude, un petit report de la Comic-Con par Max, Never Go Home, dont on va vous parler, et après les petites, on finit avec les rocos comme, culturels comme d'habitude, et on va commencer tout de suite avec les news. Et je n'ai même pas dit bonjour à mon équipe, je suis trop rapide aujourd'hui, c'est pareil. Bon, on va quand même faire un petit tour de table, parce que Jordan l'a demandé, donc bonjour Jordan, ça va ? Mais salut, comment ça va ? Ça va, ça va. À côté de toi, il y a Maxime. Salut James. Ça va Maxime ? Ça va. C'était bien ton week-end ? Fatigant, mais c'était bien. Tu nous en parles tout à l'heure. Après, c'est Juni. Salut. Et pas de Yo. Alors ouais, on a dit que le Yo c'était fini la saison 2, pas de Yo. Non, j'ai décidé de faire ça de manière aléatoire. Ok, d'accord. Juste pour t'embêter. À côté de toi, il y a Romain. Salut Romain. Qui attrape son... Je peux ? Ouais, vas-y. Il a récupéré du coup. Il n'y a pas de copyright dessus. Et il y a Thomas. C'est le grand retour de Thomas. Le grand retour. Ouais, le grand retour. Ouais, après. Salut à tous. Ça va ? Ça va, ça va. T'as passé des bonnes vacances ? Bah maintenant je suis à la fac, donc tout change. Tout change toute l'année. Voilà. Bon, on va commencer. Non, on va pas commencer tout de suite les news. J'avais un petit remerciement à faire parce qu'on avait reçu un mail en fin juin et j'avais oublié de le remercier. C'est encore un Romain. Décidément, il y a que des Romains qui nous envoient des mails. Qui nous avait envoyé un petit mail en nous remerciant, en disant qu'il avait découvert l'émission cet été, qu'il nous avait écouté. Je crois qu'il a binge-watché Comics Discovery. Et bah, merci à lui. Merci d'être présent. Derrière nous. T'es sûr que c'est pas le même ? Non, c'est pas le même, parce qu'il a pas le même nom de famille. Il nous dit qu'il habite pas loin lui aussi, donc s'il a envie un jour de passer dans l'émission, discuter de comics, il est le bienvenu. Et voilà, on va commencer direct avec les premières news. Et on va parler de Hellboy. On vous en a parlé plein de fois du film Hellboy, le reboot. On va en parler encore une dernière fois, puisqu'il y a eu 2-3 petites news. Déjà, la polémique qu'il y avait eu autour de Headscreen, qui devait jouer un personnage d'origine asiatique et qui n'est pas d'origine asiatique, qui est parti. Et finalement, c'est Daniel Dekim qui récupère le rôle. Daniel Dekim, que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série Lost, puisqu'il jouait le coréen. J'ai oublié le nom du personnage, mais pourtant c'est ma série. Jin, voilà. Et donc moi je suis content, c'est un acteur que j'apprécie. Mais je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas pris un acteur asiatique parce que, à cause de la polémique ? Et ah oui. Ils ont pris lui parce que c'est le seul un peu bankable en ce moment. Est-ce que t'as un petit... Alors, à cause de la polémique, oui, parce qu'ils étaient partis sur un blanc à la base, donc ils ont pris un asiatique justement en réponse à ça. Ils avaient dit, ok, on est d'accord, on a fait une connerie, on évitera de recommencer, et on prendra un asiatique exprès. Après, le choix de l'acteur, il y en a plein des acteurs, donc oui, le côté ancien acteur de Lost, etc., je suppose que ça doit factorer un peu dans le choix. Mais j'ai pas vu la vidéo de casting, quoi, donc je sais pas pourquoi ils auraient pris lui par rapport à d'autres. En fait, je me suis mal exprimé. Est-ce que je voudrais dire, en fait, c'est pour l'acteur de se dire, ah merde, ils m'ont pris moi parce qu'il y a une polémique, en fait. Non, ils l'ont pris lui parmi des asiatiques acteurs, ouais. Pour le faire passer, et c'est lui qui a été sélectionné. Après, c'est sûr que sans polémique, il aurait pas eu le rôle. Voilà, mais après, c'est son choix. C'est à lui de prendre la décision. T'avais, dans le genre polémique aussi, t'avais le festival d'Angoulême, il y a un truc genre un an ou deux, où il n'y avait pas de femmes parmi les nominés. Début d'année. Ouais. Voilà, et il y avait toute une polémique sur le sujet. Et lorsque justement le festival a dit finalement on va rajouter des femmes, elles ont dit non. Si on est là juste parce que vous voulez nous mettre là pour avoir bonne conscience, pas la peine de nous ajouter. Donc bon, lui il l'a fait parce que au final, au-delà de la polémique, le fait d'avoir un asiatique dans le film, ça a un impact culturel intéressant et utile pour pas mal de gens. Donc là en l'occurrence, je pense que c'était plutôt une bonne décision de dire oui, j'ai bien envie parce que l'effet final du truc, c'est effectivement très positif. Ok, en tout cas l'acteur est cool, moi je l'aime bien. C'est le même acteur qui, avant il était sur Hawaii Five-O, une série un peu dispensable. Et en fait, dispensable. Ouais, ils étaient moins. Enfin, il y avait deux acteurs asiatiques. Des acteurs blancs, et les acteurs asiatiques étaient moins payés que les acteurs blancs. D'ailleurs, et... il les est passés pour des Hawaïens. Ouais, si ouais, oui, bah oui, bah, normal. Et en fait, les deux acteurs ont râlé, et finalement, ils ont eu gain de cause, et ils ont eu le même salaire, donc je trouvais ça assez cool. Et on va passer à une autre news autour de Hellboy, c'est les premières images de David Harbour en Hellboy. Donc voilà, on a eu deux images, une photo en couleur, une photo pas en couleur. Parce qu'on va faire un petit tour. J'ai pas bien vu, il a vraiment une coupe mulet ou c'est... Oui, il a une coupe mulet. Ça se passe dans les années 90 donc. C'est génial. On va faire un petit tour de table. Bah, vas-y Romain, t'as commencé. Ton avis sur ce Hellboy, enfin, ces deux images. C'est peut-être le début. Après, il ira peut-être chez le coiffeur. On ne sait pas. On n'a pas encore vu la. Il y a vraiment un problème avec les cheveux. Moi, ça m'a pas posé. Bah, c'est un mulet quoi. Bah, s'il se fait une larrée sur le côté avec, ça peut être sympa quand même. Mais en vrai, non. La coupe, ça, ouais, les joueurs en les cheveux, non. Mais non, la coupe après, ouais, ça a choqué. Mais bon, ça dépend de ce qu'ils vont en faire. Je sais que Johnny a râlé sur le bras. Oui, enfin pas râler, mais c'est comment dire, j'ai testé un peu toutes les personnes autour de moi qui ont un peu lu Hellboy pour avoir leur avis aussi, et j'ai demandé à une personne en particulier qui m'a dit en dehors du bras ça va, et c'est à peu près la même chose en fait pour moi, c'est franchement tu regardes la photo du gars, c'est un gros bourrin rouge couvert de cicatrices avec une coupe mulet et un bras qui a l'air en métal, ou alors une espèce de pierre polie un peu étrange, et c'est franchement le seul élément visuel avec les cheveux qui pêche un peu, mais le reste c'est juste... magnifique. Il y a un design sur la ceinture qui est fabuleux. Ils ont mis les mêmes symboles que le bouquin en fait. Ils ont pris des symboles d'origine que Mignola avait dessiné qui sont gravés dans les poches. Il est couvert de veines. Ce point de détail là, moi j'avais même pas. Ah oui, mais attends, j'ai décortiqué la photo. Ouais. Hellboy, c'est l'un de mes gros modèles en termes de dessin. Donc quand le gars est arrivé, forcément, j'ai regardé sous toutes les coutures possibles et imaginables. Et franchement, en dehors des cheveux et du bras qui sont franchement juste une question de goût personnel et que c'est pas forcément un deal breaker pour moi, c'est plutôt bien fait. Ok, Thomas ? Bah moi je sais pas vous, mais je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup à l'ancien, qu'il y a pas tant de changements que ça, même au niveau de la gueule, c'est assez ressemblant. Après ça reste fidèle aux comics quoi, je trouve ça. J'ai mis une bien. Photo avec les deux sur le Instagram, d'ailleurs suivez le Instagram de Music Glory. Autopromo. En fait j'ai mis une photo avec les deux, on voyait deux à côté et vraiment enfin. Après, c'est deux mecs rouges un peu badass, donc forcément ils se ressemblent un peu, mais je trouve qu'il y avait quand même deux trois petites différences. Moi, quand j'ai vu pour la première fois l'image, j'avais pas compris que c'était le nouveau Hellboy. Ah ouais? C'est qu'en regardant la main métallique que je fais, ah ok, c'est un reboot, enfin le reboot. Mais en tout cas, moi, ça, pour l'instant, ça me conquis pas mal parce que c'est assez fidèle aux comics et j'aime bien quand c'est fidèle aux comics. Donc, Jordan, t'as un petit avis sur. Non, je pense que j'ai déjà tout dit sur la coupe, etc. Après, ouais, la main métallique, ça. En vrai, je m'en fous. Parce ouais, que graphiquement, ouais, on va voir. Ça se trouve, c'est la photo où les mecs ils ont pas fait les effets spéciaux dessus. Ça se trouve, dans le film, on le remarquera même pas. Donc il y a pas de polémique à avoir. Enfin, c'est la première photo. Ouais, c'est vraiment un détail, hein, la main. Oui, c'est, oui. C'est mais juste, elle moi, semble c'est plus petite, tirage, non quoi. Elle semble plus petite. Pareil, elle encore un détail. Je sais pas. Ouais, parce que justement, c'est un truc que tu remarques pas en BD parce que ben c'est dessiné, donc tu fais pas gaffe. Mais quand tu vois le gars en vrai, avec d'un côté une énorme main et l'autre une main normale, t'as l'impression que le bras gauche c'est une espèce de petit bras de bébé. C'était particulier. Ouais, mais enfin, je trouve que Hellboy d'habitude, t'es vraiment attiré par le ouais. regard, il est directement attiré par le point. Et là, non, tu es attiré par la coupe. Ça casse un peu la silhouette. Et tu as peut-être des envies de coiffure, ce genre ouais, de truc. Ouais, je sais pas, je suis pas tellement les footballeurs allemands des années 80, mais pourtant. Ok, cela dit, c'est fort parce qu'il a un gros machin rouge. Genre, le torse du gars occupe genre 80% de la photo. Il est tout rouge, il est brillant et toi tu vois juste les cheveux. Ouais, c'est magnifique. C'est le premier détail noir. Que j'ai remarqué de la photo, c'était les cheveux en train de dire. C'est normal. Vous avez des obsessions bizarres, vous. Une sorte de fétichisme. Ouais, mais je trouve que du coup, le point, ouais, on voit bien le torse luisant, etc. Mais le point, il passe vraiment. Ouais. Inaperçu quoi, c'est pas le point qui dommage. Fait le personnage. Après, faut le voir en mouvement et tout. Non, c'est pas le point, mais c'est son truc. C'est comme si voilà. tu disais, ouais, dans le film, dans le premier film Batman, le Batarang il était pas aussi gros que ça dans le comics. Ouais, n'empêche que le point il a plus d'importance quand même. Oui, le point il a de l'importance, mais après il voilà, est peut-être plus ouais. proportionné. Le niveau design c'est vraiment un détail. Hein. Ouais. Tu peux peut-être comparer à la Batmobile. Dire, ouais, non, non, enfin. Moi j'aurais pris le costume, mais d'accord. Okay. Celui avec les tétons. Et l'arrêt des fesses aussi. Ok, on va passer à une autre news avant que ça parte en couille. Moi je voulais revenir sur un comics dont on a parlé déjà dans l'émission, c'est Stranger in Paradise, donc le comics un peu culte de Terry Moore. Je sais plus quelle émission c'était en juin dernier. Vous pouvez aller, si vous avez envie d'en entendre parler, aller écouter les vieilles émissions. Et en fait, on a appris cette semaine que donc Terry Moore était en train de travailler sur une adaptation au grand écran de son comics avec Angela Robinson. Angela Robinson, vous la connaissez peut-être pour la série Hellworld ou encore la série un peu dispensable True Blood. très très dispensable elle aussi, mais surtout celle qui va réaliser le biopic, enfin qui a réalisé parce qu'il va sortir dans pas trop trop longtemps, le biopic sur William Marston, le créateur de Wonder Woman. Et selon l'auteur, apparemment ils sont très très très très amis et ils travaillent ensemble depuis longtemps autour de ce comics, enfin autour de cette adaptation, et elle a complètement compris l'histoire du comics. Et moi je trouve ça assez cool parce que le comics est vraiment sympa. Je pense que ça donnerait peut-être plus une série télé. Je verrais peut-être plus en série télé qu'en film. En série télé, c'est clair que ce serait un bon format de 40 minutes. Je pense que ça irait bien. Un film, c'est l'intrigue est un peu long pour être développée en film. Il va y avoir beaucoup de. Ils n'auront pas le temps de développer justement les liens entre les personnages. Ce serait un peu dommage. Est-ce que tu peux nous refaire un petit pitch pour les gens qui ne connaîtraient pas ? En fait, c'est une histoire d'amour-amitié entre deux jeunes femmes depuis la fin du lycée jusqu'à leur jeune adulte, en fait. On les voit jeunes adultes et puis même adultes plus tard avec des histoires de prostitution et de genre de trucs il y a des histoires un peu trash à côté de leur histoire d'amitié. Voilà. Et c'est un comics, moi je l'avais trouvé cool. Je sais pas si autour de la table il y a que Johnny et Romain qui l'ont lu. Johnny, qu'est-ce que t'en penses? Lorsque j'ai vu l'annonce, le premier truc qui m'est venu en tête, comme élément de comparaison, je pourrais prendre la série Gilmore Girls. Parce que j'ai maté la série Gilmore Girls plusieurs fois. C'est pas trop pareil. Et j'aime beaucoup ce truc. Et en fait, l'élément de comparaison, il tient au fait que si tu prends Gilmore Girls, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que t'as deux persos féminins, il y a beaucoup de drama autour. Et c'est vraiment sur la longueur et ça tient vraiment au fait que t'aimes les personnages et t'aimes les revoir. Et prendre la formule Stranger in Paradise en format film, je suis pas sûr que t'arrives au même effet. Parce que mettons qu'ils prennent un format ne serait-ce que 2h30, c'est déjà pas assez. Et pour ce type d'histoire, je suis pas sûr que les gens aient envie de tenir 2h30 pour regarder un truc de drama dans l'esprit Gilmore Girls ou autre. Et en 2h30, t'as pas le temps de développer des personnages qui marquent nécessairement super bien. Enfin, je sais pas, c'est faisable, mais j'aurais franchement pas pris ça comme format. C'est vraiment une série télé. Moi, je l'aurais vu en série télé. Ouais. C'est trop court, 2 heures pour développer leur relationship. C'est trop parce que sans l'avoir lu, moi je sais qu'on l'a à la librairie, j'ai vu le nombre de tomes. Ouais, c'est assez. En 2 heures, je crois qu'il y en a 20, entre 20 et 30. Ouais, c'est courageux. Ouais, je me dis qu'ils vont prendre juste une des intrigues qui est justement, qui au final c'est des intrigues secondaires. Ouais. Parce que la vraie intrigue, c'est leur relation. Mais le vrai intérêt vont développer, du coup, c'est les personnages, en fait. Voilà, c'est la relation entre les personnages. Mmh. Et je pense qu'ils vont juste développer le passé de Kachou et ce sera basta. Et ouais. Ça risque d'être un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage. Mais pourquoi pas c'est tout à fait faisable. Attendons de voir. On va passer à une autre news. Et on va parler de reboot. Et le reboot, c'est pas que chez les Big Two, donc pas que chez les super-héros, puisque le petit éditeur IDW a annoncé qu'ils allaient rebooter une de leurs séries, qui est 30 Days of Night, ou 30 jours de nuit en français. C'est une série qui a déjà bientôt 15 ans d'existence. C'était écrit par Steve Niles et Ben Templeman Smith. Donc magnifique. Le grand Temple Smith. Le grand pote à Romain. Si vous voulez voir des vrais vampires, c'est 30 jours de nuit. Et il y a eu deux films. J'ai pas vu les films, mais à ce qu'ils sont plutôt moyens. J'ai vu que le premier. Ouais. J'ai beaucoup aimé le traitement des vampires. Ouais. L'histoire, après, elle est simplifiée, mais je trouve que Josh Arnett fait le boulot. Ah, c'est avec Josh Arnett ? Ok, bon, je regarderai pas. Et non, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal, ça vaut pas, c'est clair que ça vaut pas le comics qui est juste magnifique. C'est pas le comics dont avait parlé Ruby dans l'émission sur Halloween ? Si, sur l'émission sur Halloween, ouais, c'est okay. Ça. Donc voilà. Qui c'est qui a lu 30 jours de nuit ici ? Jordan ? Alors moi je l'ai lu, mais après c'est surtout le reboot, pourquoi pas, mais je préférais qu'ils me rééditent au fait les tomes de 30 jours de nuit, parce qu'en France tu les retrouves plus, c'est que de l'occasion, en neuf tu peux plus les retrouver. Et enfin, déjà qu'ils fassent ça serait sympa, parce que moi je les ai pas tous. Et donc, du coup j'ai même pas fait ma news en entier. Ah oui, vas-y. Oui, parce que en fait le reboot va revenir avec les mêmes personnages, enfin avec les mêmes le même équipe créative, donc Steve Niles revient au scénario. Malheureusement, Ben Temel Smith et Ashley Wood ne reviennent que pour les covers. C'est Piotr Kowalski qui va assurer l'intérieur. Et voilà, ils vont rebooter leur univers. Et donc toi, tu veux plus le comics original? Moi j'aimerais déjà qu'ils rééditent et qu'ils rendent disponible le comics original. Après, faire un reboot, pourquoi pas, faut voir ce qu'ils vont en faire encore une fois. Après j'ai un petit regret pour Ben Temple Smith, parce que je suis pas le seul autour de la table à l'apprécier, ça me fait plaisir. Mais après, s'il vient pas pour faire du Wormwood, moi ça me va aussi. Donc j'aimerais bien qu'il refasse un tome 4 ou 5. Ok. et qui traduisent The Squid, et puis qui traduisent To Temple Smith aussi. C'était chez qui Wormwood? Non, 30 jours de nuit, ouais. C'était chez Delcourt en France. Ok. Bon, bah, on va leur envoyer un mail, on verra si. C'est si une manif à 6. Ouais, voilà, d'accord. Est-ce que ça hype quelqu'un autour de la table? Pas du tout. Non. Bon, bah, moi j'ai fini mes news et on va passer à la rubrique de Max qui va nous parler de la Comic-Con. On avait déjà parlé la semaine dernière. Ouais, vous aviez eu Romuald au téléphone. Et on y était allés tous les deux il y a 2 ans. Ouais. En fait, on dit l'année dernière ou l'année d'avant, mais en fait, c'était il y a 2 ans notre honeymoon à tous les deux. C'était trop bien. Ça s'annonce bien. Non, du coup, c'était pour ceux qui sont allés les autres années, c'était avec le Lyon BD Festival. Ouais. Du coup, cette année, ils se sont un peu séparés. Ils ont fait séparés, voilà. Mais du coup, ils sont en très bon terme puisqu'il y avait des mecs du Lyon BD Festival, j'ai vu. Et du coup, c'était à la mairie du 8e à Lyon. Donc, c'était dans un cadre vraiment très cosy. Pour vous donner une idée, ça faisait peut-être la taille de la radio. Tout le truc, donc en fait, ça parle vachement aux gens qui sont jamais venus. Non, mais je veux dire, c'est pas imaginez pas genre un combien grand... on voit Carrez à peu près, je sais pas, ça devait faire, je sais pas, 80. Mais il y avait des hauts plafonds, donc la loi Carrez, ouais. Ça marche pas trop. Donc en fait, c'est pas un immense salon comme il y a 2 ans, c'était en la mairie de c'était en pleine mairie de Lyon, hein. Oui, mais là du coup, c'était la mairie du 1er arrondissement. Ouais, donc c'est pas la même. Que là du coup, c'était dans la mairie du 8e, donc c'est un peu plus petit. Et en fait, c'est totalement différent de la PCE ou de la Japan Expo, pour ceux qui connaissent, des grands trucs, des grands hangars où vous voyez rien, enfin vous voyez le toit, c'est de la tôle, quoi. Que là du coup, c'était ça faisait ça avait un air très cosy, il y avait des moulures et tout, j'étais là, c'est Versailles et tout. Alors spoiler, en marchant tout à l'heure, il m'a fait ah oui, bon, qu'il a dit que Lyon Comic Con est 10 fois mieux que tout ce qu'il avait fait avant. Et ah oui, du coup là, j'avais beaucoup aimé celle il y a 2 ans. Après, tu m'as dit, viens, on fait un truc en plus grand, on fait la PCE. Mais la PCE, c'était trop bien, et mec. Du coup, j'étais un peu déçu parce qu'en fait, à la PCE, j'avais ramené des jouets Batman, Nightwing avec un mulet, je l'ai ramené. J'avais ramené ce jouet-là. En fait, j'ai ramené que des jouets. Et genre, mais non, t'avais des prints aussi, non? Ouais, j'avais 2 prints, 2 de Chartier, ouais. Bah ouais, j'aime beaucoup Chartier, mais j'ai quasiment 90% de mes prints c'est Chartier. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, c'était vachement familial. Tous les artistes étaient accessibles, genre on en parlait tout à l'heure. Il y a pas de système de queue en fait, genre pour nous faire signer notre truc de Bruce Team, on avait attendu 4 heures. Que là en fait, c'était avec un système de tickets. T'y allais, tu donnais ton ticket, le mec te faisait un dessin ou te signait, ou enfin tu pouvais parler avec lui. Moi j'adore regarder les artistes dessiner, et en fait, ce qui me frustrait un peu à la PCE, c'est que tu vois, ils étaient super loin. Genre le mec devant qui était avant toi, tu peux pas voir ce qu'il lui dessine, tu vois, tu le vois juste à la fin. Quand moi j'adore quand tu vois le mec, il commence, il fait un rond, puis il fait un triangle et bam, ça fait Batman, tu vois. Et toi t'es là, t'essaies de le faire apparaître chez toi, et en fait ça fait un truc dégueulasse tous les. Et j'ai adoré ça, parce que du coup, en plus t'as une vraie proximité, parce que le mec il te regarde, il dit ah t'aimes bien et tout. Et puis un peu, il t'explique, tu vois, il m'a pas donné ses protips, mais il te dit ouais, ben en fait j'utilise le Copic parce que je préfère le rendu que ça pour les dégradés et tout. Enfin, il y a des trucs qui te parlent pas du tout en vrai. Non, mais tu vois, mais genre, le mec il t'explique que tu vois, s'il te dit ben, je prends des crayons de couleur parce que je colorie, j'aime bien cette couleur, ferme ta gueule. je trouve qu'il y a Ouais, mais on était loin pour. Tu parles pour Bruce Team ou pour Mark Wade, ou enfin pour des gens qui pèsent un peu plus dans le milieu. Et genre, moi, Elsa Chartier, à chaque fois que j'ai fait des conventions où elle était là, j'ai pu discuter 15 minutes avec elle. Ouais, mais parce que, enfin, entre guillemets, on va pas se la péter, mais on la connaît. Oui, je la connais parce qu'on est au moins. Ouais. On la connaît, on a échangé des mails ensemble. Enfin, c'est pas notre pote, mais un peu, tu vois. Quand voyez-vous la péter là, si elle écoute, elle me dit, on est tellement pas. Et du coup, enfin, je sais pas si tu te rappelles, pour Elsa Chartier, il y avait une queue, mais genre de fou. Quand ouais, c'est vrai. Le deuxième jour, elle était inatteignable, tu vois. Et en fait, les souvenirs que t'as, c'était le premier jour. Ouais. Il y avait pas grand monde. Et moi, j'ai fait qu'un jour. Toi, t'en as fait deux. Ah oui, moi, j'ai fait 2 jours, pardon. Que du coup, vraiment la PCE, c'était. Enfin, la Comic-Con, pardon, bah oui, c'était hyper aéré, je trouvais. Il y avait tout le monde. Il y avait des gens de comics.fr. Je leur ai pas trop parlé parce que j'avais pas trop le temps. Mais. Voilà, tout le monde était abordable. Point positif, vu que c'était les Journées du Patrimoine, ils avaient fait une superbe expo sur la BD et Lyon. Ouais. En fait, il y avait Lug avant qui était à Lyon. Ah, du bah coup, ça, c'est l'expo qui a été prêtée par Lyon BD Festival, il nous l'a dit. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait tout un truc sur ça. Et genre, c'était trop bien. Genre, t'es pas là entre ton vendeur de sable, ton vendeur de pop et ta chinoise qui te vend des fruits séchés. Là, tu vois, tu naviguais un peu entre. entre... Oui, c'est format familial en fait. Ouais, c'était vraiment... puis en plus, je trouvais que c'était axé culture en fait. Parce qu'après, il y avait de l'expo sur le centenaire de Kirby. Il y avait des grandes planches de Kirby et en fait, tu voyais que les gens, ils étaient là, waouh, ouais, mais c'est trop beau. Et puis genre, t'avais des petits garçons, ils étaient là, waouh, ouais, mais j'adore Thor en fait, il est trop cool. Et... En même temps, tu leur montres du Kirby, c'est facile de. Ouais, mais enfin, du coup, je trouve que. Genre, ça m'a un peu ému, tu vois. J'étais là, putain, mais en fait, c'est trop bien ce genre de truc. Il faut continuer. Et, moi, C'est une convention faite par des passionnés pour des passionnés. Ouais, c'est ça, okay. En fait. Si vous avez pas trop envie de bouger sur Paris et que. Vous avez pas besoin de gros trucs où il y a des gros artistes, allez là, franchement, c'est le. Mais je crois que Lille Comics Festival, c'est un peu dans le même délire. Et je sais pas si la FACT aussi, c'est un peu dans le même. Je ne les ai pas fait, mais c'est un peu plus dans le nord pour les gens qui ne seraient pas dans nos régions à nous. Donc ouais, bah, je pense que je suis d'accord avec toi. Pour l'avoir fait il y a 2 ans, c'est vraiment ce côté familial où tu pouvais discuter avec les artistes. C'est ce que tu disais. Donc ouais, c'est tout ce que tu avais à dire. Tu as pu discuter avec qui Du coup, je ne vais pas spoiler, mais j'ai vu John Lankry qui... ouais. Du coup, j'ai ramené un print pour l'équipe de Comedy Discovery de John Lankry. On fera offrir, ouais. Tout à l'heure, je sais pas encore comment on fera. Mais... Après, du coup, j'ai vu Big Zim, c'est le livre que je te montrais tout à l'heure. Ouais. En fait, tu mettras des photos si tu veux sur le. Ouais, Instagram je mettrai des photos dans l'article. Et, j'aime beaucoup, ça a un côté un peu ouais, Kirby, je trouvais. Il y a un petit côté comme ça. Et après, j'ai vu Paul Renaud qui m'a signé un print. Voilà. Il est sympa, Paul Renaud ? Ouais, il était cool. Ok, bah, c'est cool. Et bah, au moins, je crois qu'on a fait tout. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions autour de la table pour la Comic Con ? Non, personne. Non, ça y est, j'ai déjà tout ce que je voulais savoir en off. Donc ça va. Est-ce que c'était vraiment mieux que la Paris Comic Expo ? Ouais. Mais au niveau après, des artistes, t'as pas le même genre d'artiste ? Est-ce que Paris Comic Expo, t'as genre Boosteam, Paul Dini et tout ? Ouais, et du coup, qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre avec Boosteam ? Je retiens qu'il m'a marqué beat sur ma couverture. Voilà, à part le fait ça, il t'a signé un livre, t'as essayé de lui parler, il t'a regardé genre t'es qui toi, tu m'as posé. Ouais, mais c'est des Américains, donc forcément t'as pas. Non, ça va, tu peux parler. Enfin, ça dépend de tout artiste. En vrai, y en a ils se prennent la tête. Genre après, par exemple, quand j'étais pour voir Gabriel Delotto. Il y a une petite fille qui est venue avec son truc pour juste avoir une signature. Le mec fait carrément un sketch gratuit. Donc, enfin, il y a des artistes qui sont qui sont accessibles quoi qu'il arrive. Bruce Timm est vraiment en mode. Bruce Timm, après, le mec est austère de base, donc forcément. Bah, même après, il y avait Paul Dini. Paul Dini, tu lui as fait une vanne et tout. Oui, mais voilà, je lui ai fait une vanne et il m'a dit ah, elle est drôle, casse-toi, allez, il y a encore 50 Mad Love à signer, tu vois. Que là, j'ai pas ressenti le côté de allez, c'est à la chaîne, tu vois. Genre, je sais pas si tu te rappelles à la PCE. Il y avait des mecs qui venaient avec leurs piles et devant chaque artiste il y avait marqué pas plus de 5 signatures, tu vois. Donc oui, c'est oui. Les mecs qui viennent juste pour faire un investissement, hop, ils repartent. Qui les revendent sur eBay. C'est comme ça aux États-Unis après aussi en même temps. Ouais, c'est mais le du même coup, est-ce que c'est bien, tu vois ? Non, c'est pas le meilleur des systèmes, c'est sûr. Mais au moins, c'est pas payant. C'est déjà mieux qu'aux États-Unis. Non, mais moi, ça me dérange pas de. Enfin, on va pas avoir ce débat maintenant, mais moi, ça me dérange pas de payer mon dessin, payer une commission. Au moins, tu non, dois non, payer une signature. Non, payer une signature juste pour payer une signature, c'est abusé quand même. Enfin, une signature, ouais, c'est ouais, je retrouve c'est qui, mais on avait eu un auteur de Batman à la Comédie du Livre à Montpellier il y a quelques années. Pour avoir une dédicace, c'était 150 euros. C'était 150 euros pour pouvoir se faire signer son Batman avec un joli dessin. Donc en fait, il y avait personne qui y allait, sauf les gros fanas qui allaient faire juste de la spéculation. Mm-hmm. Mais tu vois, enfin, au moins quand c'est gratuit, t'avais un sketch quand même. Ouais, mais 150 balles. Oui, 150 balles. Oui. C'est ça. Tu 150 balles, tu t'achètes la collection, quoi. Enfin, Ouais, mais si t'as 20 euros, tu peux avoir tes initiales, par exemple. Tu négocies. En fait, moi, t'as les deux firmes, t'es du masque des bâtards. J'ai 10 balles, une barquette de frites et de la sauce samouraï. Ça te tente ou pas ? Genre, tu vois, pour donner un exemple, genre Daniel Asuna, que moi, c'était un mec assez gros, il a fait quand même Uncanny X-Men. Et genre, c'était 50 euros. Le dessin ancré. Ça vaut le coup, tu vois. Enfin, c'est pas un tu vois, genre, tu veux te faire plaisir, t'as pas un énorme budget, c'est pas les 150 euros du mec. Ouais, mais c'est pas des fins. Je veux pas tracher la Comic Con autant du temps, mais il y avait pas, à part Pierre Pérez, Asuna, il y avait pas grand monde de très. Enfin, c'est pas la Comic Con avec Scalera, ouais, Murphy. Ouais, mais tu les approcheras pas. Genre Scalera, quand il était venu à la Paris Comic Expo, tu te rappelles, j'avais envoyé un mail pour lui demander ouais, tu peux me faire juste un buste, 400 euros. Il fait. Je n'ai pas répondu au mail. J'ai fait salut et oui, voilà. Bah oui, mais c'est les prix, hein, en même temps. Ouais, mais est-ce que tu vois, C'est pas la même tradition aux États-Unis de la dédicace. En France, on voit ça comme quelque chose de sympa, on va rencontrer les auteurs, c'est gratuit. Aux États-Unis, c'est très souvent payant, même à la Comic-Con de San Diego. Mais c'est comme ça qu'ils se font leur bif, hein, les artistes. Hein. Et c'est pas juste eux, ouais, hein, les acteurs de Star Trek, ils sont connus pour ça. Tu vas signer un truc, c'est pareil, tu dois payer juste pour avoir le nom du gars. Les acteurs de Xena, Star Trek, ils vivent de ça. Ouais, c'est ça. Bah regarde, même la photo, tu payes la photo. Oui. Je crois que James Masters qui a fait Spike. Oui, James Masters qui a fait Spike, c'est 30€ la photo, quoi. On va pas partir sur le débat. En tout cas, merci à Maxime de ce petit report. Et on va passer à la première pause musicale. Et c'est le nouvel album de Foo Fighters, Sky is a Neighborhood. Et j'adore la chanson, elle est vraiment très très cool. C'était la nouvelle chanson des Foo Fighters qui est vraiment très très cool, hein Johnny? non ? Même pas. Oh mon dieu, le regard dépité. Je ne réagirai pas. Mais elle est trop bien cette chanson. Tu peux redire le titre, s'il te plaît ? Non, bah, tu peux le dire toi-même, vas-y. C'est marqué. C'est beau, c'est. Ah, the sky is neighborhood. Ouais, t'as raison, c'est compliqué à dire, mais. Ah, ça va. Quel enfoiré. J'ai mieux que dit que toi quand même. Non, mais il me demande parce qu'on faisait la comparaison entre ça et Joey Badass hier. Mais Joey Badass passe après. Et donc on fera la comparaison. C'est bien, ça. Mais je préfère Foo Fighters quand même, même si. Ça se défend. Donc, d'ailleurs, vous êtes toujours sur Comedy Discovery, sur Radio Campus Montpellier, le 102.2, on va vous parler de Never Go Home, c'est Jordan qui va commencer, puisqu'il va nous parler du scénario, et après, c'est Romain et Johnny qui vont parler du dessin. Alors, le scénario, ça va être assez simple, parce que finalement, c'est une histoire pas du tout complexe. On va suivre donc deux ados, un garçon et une fille, Duncan et Madison, qui vont se rencontrer un jour où Duncan, c'est le garçon, il s'amusait à tirer sur des canettes en haut d'une colline, ce qui est tout à fait normal. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Quand il croise Madison qui allait se faire agresser sexuellement, tout à fait normal. Et tout à fait normal aussi aux États-Unis. America fuck yeah. Ouais, c'est sûrement le Texas. Et à ce moment-là, Duncan va voir quelque chose qu'il ne fallait pas voir, c'est que Madison a un pouvoir, elle a des yeux qui brillent et une force surhumaine. Et ils vont devenir potes, parce qu'ils vont rentrer à pied l'un et l'autre jusqu'à un événement. Un jour, Madison va aller chez Duncan et elle va voir que Duncan se fait battre par son père. Et un accident va se passer. Oh mon dieu! Le père de Duncan est mort. J'aime bien faire version soap opéra, je trouve ça sympa. On dirait trop Amour, gloire, beauté ou un truc comme ça. Mais c'est un petit peu ça. Non, à ce moment-là, donc il va y avoir un accident, ils vont devoir fuir parce que il va y avoir des répercussions forcément s'ils se font choper, du fait que déjà Madison deviendrait sûrement un rat de laboratoire. Et il lui dit qu'il a un pouvoir aussi. Il lui dit qu'il a un pouvoir, ouais, mais... Faut pas trop en dire non plus. Final, ouais, faut pas trop en dire et puis voilà. Et, non mais ouais, c'est vrai, il a un pouvoir, il aurait tué sa mère avec un pouvoir télékinésique. Et donc à ce moment-là, ils vont devoir partir, c'est une sorte de road trip, enfin un road trip qui doit durer quoi, 50 km parce qu'ils vont pas non plus très très loin. Mais ils restent dans la même ville à chaque fois. J'aurais dit 8, ils vont... Ouais, c'est vrai qu'ils vont juste dans la ville et au fait ils vont essayer de retrouver, enfin piquer de l'argent à un dealer et ils vont essayer de sauver un petit peu des gens, des dealers, essayer de devenir des pseudo super-héros. Et au fait ça va... Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et au final, il va y avoir des gens qui vont venir pour essayer de récupérer Madison dans leur camp. Et là, on va voir le FBI et d'un côté, la mafia qui vont essayer de se battre pour la récupérer. Et c'est là où j'ai fini de lire, en fait, parce que ça finit un petit peu sur... Ah, mais tu l'as même pas fini ? Si, je l'ai fini, mais en fait... Ça finit, en fait, sur... Il y a pas grand-chose, au final, parce qu'il faut laisser un petit peu de mystère aussi pour nos auditeurs. Mais il y a un tome 2. C'est la fin, hein. C'est la fin du truc. Ouais, c'est ça. Il y a un tome 2, parce que moi, j'ai... Ah ouais, il y aura un tome 2, hein, regarde, il y a marqué 1 sur la tranche. Ah oui, c'est vrai. Et puis quand tu le lis, à la fin, il y a marqué « Ils reviendront ». Alors, j'ai lu la version originale, il y avait marqué 2016, et j'ai cherché sur Google pour voir s'il y avait un tome 2, je l'ai pas trouvé, du coup je me pose des questions. Petit éditeur, c'est Black Mask. Ouais. Et donc je connaissais pas, c'est la première fois que j'avais lu. Je sais pas comment ils ont fait leur tambouille, mais bon. Ils ont mal réglé la date sur leur Word. Mais ça arrive tellement souvent. Et du coup, c'est pour ça, ça doit être 2018 peut-être. Ou alors j'ai mal lu, je sais pas. Mais moi j'ai lu ça aussi. Non mais voilà, du coup j'attends le tome... Enfin j'attends. Je cherchais un tome 2 parce que la fin me semblait un peu étrange, mais bon. La fin du premier tome me semble un peu étrange. Après, je trouve que c'est une bonne introduction. Même si je l'ai fait version soap opéra, je vous rassure, c'est un peu mieux quand même. Mais ouais, tu vends pas très bien le titre. Mais en vrai, le scénario, il est ultra classique. Hein. C'est un espèce de. Ça peut même. Est-ce que c'est de qui ? Parce que tu l'as même pas dit. Ah oui, c'est vrai. Mais parce que tu m'as dit de parler du scénario, pas l'auteur. Normalement, tu fais en tous les deux. Enfin, c'est pas grave. Mais non. Mais j'ai même pas les prénoms, t'imagines. Enfin, ça va être vraiment. Ouais, c'est compliqué. Relou. C'est de plus en plus à mode de mettre juste les noms de famille. Ouais, parce que ça se vend mieux. Parce que par exemple, Ellis, vu qu'il y a plein de Ellis, tout le monde les confond. Genre, Lumberjane, ça a été fait par Ellis. Ouais, mais Claire. Ok, d'accord. T'imagines, Lumberjane par Ellis, ça serait autre chose. Mais c'est marqué par Ellis dessus, parce que c'est vraiment une Ellis qui est au scénario. Oui, mais oui. Mais j'ai un pote, il l'a lu, il m'a dit, mais c'est Warren Ellis derrière. J'ai fait, mais non, faut pas, arrête de prendre de la coque. Donc c'est fait par un dénommé Hood, Clinton et Rosenberg, hein, donc trois illustres inconnus. Parce que je sais pas du tout ce qu'ils ont fait d'autre. Ouais. Quelqu'un autour de la table ? Non, je regarde. Là, j'ai leur nom. Ils ont fait des comics. Ils ont fait des comics, super. Voilà, sénateur, il y a Matthew Rosenberg et Pat. Patrick Clindon et artiste Josh Hood, Brian Level, coloriste Amanda Scurty, Tyler Boss. Après, il y a le lettreur Jim Campbell, David C. Hopkins. On ne parle jamais au lettreur. Et les covers, parce que j'aime beaucoup les covers. Il y a Michael Walsh. Ouais, les covers. Une émission spéciale lettreur. Ouais, je sais pas si. Ce serait important. On pourrait. Il y a autant de monde pour ça. Ouais. Ah, mais t'as vraiment pas du tout aimé. Mais si, j'ai bien aimé, mais pour moi, c'est juste une bonne introduction. J'ai envie de voir. Arrête, juste on la a suite. Été sponsor par Glegna, calme-toi. Pas du tout en plus. Non, on n'est pas sponsor. Urban Comics. plus, on est plus vendu à Urban que à Glegna. Ouais, mais nous, on est assez cons pour se vendre à Urban Comics sans être payé. Donc c'est là où on est vraiment fortiche là-dessus. Bref, non, mais ouais, non. C'est... Qui te dit qu'on n'est pas payé? Moi, je suis peut-être payé. C'est pas le sujet. Ouais. Et on change de sujet. Non, mais voilà, après, je sais pas, les gens qui l'ont lu autour de la table, qu'est-ce qu'ils ont pensé du scénario? Moi, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai trouvé ça. Vas-y, toi. Bah, moi, je trouve que le scénario, en fait, il se divise en deux parties. Genre, il y a la partie où on découvre les deux adolescents que je trouvais assez intéressante. Bon, après, c'est sûr, ça fait très teen movie qu'on a déjà vu. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Deadly Class, mais en moins bien, du coup. Parce que leur relation est vite. je trouvais que leur relation était vite expédiée. Quoi, j'ai dit quoi? Mais tu utilises Deadly Class au fait. Et là, je vois Johnny en train d'avoir les yeux rouges, rejectés de sang, genre, mais qu'est-ce que t'es en train de nous dire de mon bébé? Non, mais justement, je dis que c'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Sauf que je pense que c'est pas la semaine prochaine. Ouais, je spoilais l'émission de la semaine prochaine. Mais il y a une deuxième partie où justement, bah là, il y a les gens qui s'intéressent à eux et qui veulent en faire un rat de laboratoire. Et je trouvais que cette partie était carrément vite expédiée. Genre, ça voulait pas dire grand chose. Ça allait très vite à ce moment-là. Bah, y a pas de vrai et la relation entre les deux personnages, on les oublie un peu. Enfin, ils font beaucoup de mauvais choix pour. On sait pas pourquoi ils font autant de mauvais choix d'abord. Parce que c'est des ados cons. Non, exactement. Parce que les personnages, je trouvais que je me suis pas trop attaché aux personnages parce que finalement ils sont assez débiles. Ils ont tout le temps des idées de merde. Mais à part ça, je trouvais la première partie assez intéressante, bien écrite. Ah, et je me suis vachement identifié au mec. Je trouvais très con comme j'étais quand j'étais gamin. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le personnage de Duncan est plutôt intelligent. C'est un mec qui est surtout, je l'ai lu en VO principalement, et on sent dans ses dialogues que, en gros, s'il était allé sur la falaise avec le flingue de son père, c'était pas juste pour tirer sur des canettes. Yep. Ouais, il pensait vraiment se le mettre dans la bouche et en finir. Et en gros, arrive ce qui arrive avec son père et Madison, et on se dit, mais Madison, en fait, elle peut se barrer, elle le connaît pas, elle a aucun lien, elle sera jamais incriminée, elle est pas fichée, les flics la retrouveront jamais. Mais Duncan, il a pas envie d'être tout seul, il la fout dans la merde. Et en gros, c'est ça, depuis le début, il essaye de l'impliquer pour pas être seul. Il dit j'ai un plan, alors qu'il n'y a pas du tout de plan. Il fait tout pour pas être seul et pour rester avec elle, parce que avant de la connaître, il était seul. Son plan est très con. Il est manipulateur, il a des plans. C'est les plans un petit peu de Rick et Morty, quoi. C'est un plan, ouais, je le fais à l'arrache et on va voir ce que ça fait. Il a des débuts de plan, quoi. Oui, sauf que Rick, c'est le plus intelligent du monde. Même de l'univers. Voilà, il a le titre, mais il a pas les chapitres. Donc, c'est moi, sûr que ça tourne vite. C'était un peu un Chronicle du pauvre. Et je trouvais ça... Non, mais c'était sympa quand même. Non, si on enlève le Chronicle. Ça sera le titre du podcast, le Chronicle du pauvre. D'accord. Max, t'en as pensé quoi? Moi, tout le temps, j'étais là, je me disais, pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle l'avait lui? Mais il est con! Genre, je comprends pas pourquoi il se lie d'amitié en fait. Genre, pourquoi. Parce qu'il lui dit qu'il a un pouvoir, donc forcément il se. Non, mais avant, tu vois, genre, pourquoi il va la sauver? Enfin, elle va le sauver quand il se fait défoncer au lycée, j'étais là. Elle lui a donné une cassette. Il lui a donné une cassette. Et un baladeur. Ah merde, je voulais prendre des musiques de la cassette, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et franchement, c'est super dur de trouver un baladeur aujourd'hui. Ouais, c'est dans les années 80. J'ai essayé. C'est en 80, c'est en le 80. Ouais. Donc tu vois, c'est comme si aujourd'hui je te donne un MP3, tu vois. Mais ça a changé. Aujourd'hui, c'est super dur de trouver un MP3. Ça a changé toute ma vision. Est-ce que si je te partage mon abonnement Spotify Family, tu pourrais tuer quelqu'un pour moi, tu vois? Ça, c'est ce que je me demande, tu vois. Là, vu comment tu amènes le truc. Est-ce que cette personne te fait du mal? On peut dire ça, oui. Non. Désolé. Ok, bon, on va passer au dessin, puisque apparemment vous avez pas grand chose à dire sur le scénario. Ça dépend. Non, mais en fait, le truc avec le scénar, c'est que. C'est bien écrit, dans le sens où. Le concept du truc, en fait, au-delà du super pouvoir, c'est que t'as une meuf Elle vit, elle est adoptée, ses parents sont donc pas ses parents d'origine, et elle en a marre de tout le niveau de bullshit que t'as dans le lycée typique américain, dans une ville typique américaine où tout le monde la fait chier, où elle veut que tout le monde s'occupe de ses fesses. Elle sort avec un espèce de gros lourdeau insupportable, et elle rencontre le seul gars qui se comporte pas en fonction de ce que la société dit que tu devrais faire pour être populaire ou normal. Et en fait, c'est pour ça qu'elle le rejoint. Il y a beaucoup de trucs implicites qui sont très présents dans les dialogues ou dans la manière dont les images sont composées. Et en fait, elle le rejoint lui, alors que lui, en fait, ce qu'elle réalise pas au début, c'est que c'est un putain de manipulateur narcissique. Et quand il se retrouve dans la merde, il se dit, ben, c'est comme disait Romain, je me trompe pas, il y a trop Romain. il se dit, j'ai besoin de quelqu'un pour être avec moi, pour éviter de me retrouver tout seul dans la merde. Et il met en place des plans plus ou moins alambiqués. Et en fait, le traitement des persos est plutôt cool. Il a vraiment fouillé la personnalité. Tu comprends plus ou moins pourquoi ils font les choix qu'ils font. Là où j'ai un souci, c'est que à partir du moment où t'as passé la première phase où on a mis en place les personnages et qui ils sont, t'arrives à l'intrigue où ils partent dans leur espèce de mini road trip avec plein d'antagonistes qui sortent de nulle part. Leur explication, y a pas d'explication. Tu comprends plus ou moins qui ils sont parce qu'ils correspondent à un cliché que t'as déjà vu ailleurs. Mais dans le cadre de l'histoire, t'as pas vraiment de contexte. Non, y a pas vraiment d'antagoniste. Voilà. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure que ça avance, quand t'écris une histoire, généralement, t'as un thème à passer, on va dire. Donc j'aime bien prendre Harry Potter dans ce genre de cas. C'est-à-dire qu'elle a le thème de J.K. Rowling, elle a le thème de l'amour. Et donc il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'univers d'Harry Potter, les choix des actions des personnages et tout, qui sont en rapport avec ça. Voldemort, c'est un putain de malade parce qu'il est né d'une potion magique qui rend les gens amoureux, du coup il comprend pas l'amour. Harry Potter, il a été protégé par l'amour, t'as le gros thème de l'amour, et t'as tout un but dans les événements d'une histoire. Là, les personnages font des trucs, et à la fin du bouquin, du premier tome en tout cas, t'arrives à un stade où tu te dis, ok, mais ça a servi à quoi en fait? C'était quoi le message que t'essayais de faire passer par les événements qui se sont produits? Du coup, les personnages sont bien écrits, mais le cadre et le but de leur histoire, au final, il m'était assez hermétique. C'est de l'indépendant et que il faut avancer dans l'histoire. Il y a des personnages qui arrivent d'un coup et on s'y attend pas. On sait pas ce qu'ils font là. On sait pas comment ils les ont trouvés. On sait pas vraiment d'où ils sortent, mais ils sont là très rapidement. Il se passe des trucs très rapidement. Et je trouve que c'était trop vite en fait. Jordan ? Ouais, pour revenir au scénar, parce que quand tu m'as dit le truc, enfin quand t'as rappelé un petit peu le début, en fait, à la place de la cavale, je les aurais bien vu faire une tuerie dans leur lycée. J'ai l'impression de voir mon ami Dahmer ou Elephant ou un truc comme ça, ça aurait pu partir comme ça, ouais. Et finalement le mec, ouais, c'est. Finalement, on va faire un road trip. Parce que c'est vrai que c'est le mec, il est un peu dérangé, tu le vois bien, ouais. Après partir avec un flingue, buter tout le monde dans l'école et se tirer une balle. Et finalement, il a essayé de faire une série au lieu d'un one shot. Donc il s'est dit, bon, ils vont prendre une voiture à la place et ils vont partir. Mais après, il menace tout le monde avec son flingue. Lui, il menace tout le monde. La moindre personne qui le regarde, genre au cinquième épisode, tu vois. En VO, il sous-entend qu'il aurait pu faire un massacre. Ah ouais, mais lui, il a des problèmes. Ils le font pas dans la VF. Voilà, dans la VO, il dit, soit c'était un suicide. Soit c'était un massacre. Et finalement, il a rencontré Madison, c'était la troisième option. C'était un massacre, mais elle est stable. Psychologiquement. Voilà. Elle est stable en fait. C'est ça la grosse différence, c'est que lui, si c'est lui qui avait eu les super pouvoirs de super force, le bouquin aurait été très différent. Mais là, on a un manipulateur narcissique et une fille qui a juste des problèmes d'identité et qui se dit j'aimerais bien être dans un endroit où je peux être moi-même sans qu'on me fasse chier. Et elle, c'est pas un monstre, c'est pas une connasse, elle veut pas tuer qui que ce soit. C'est juste lui en fait qui provoque l'essentiel des trucs affreux qui se passent. Et elle suit parce qu'elle se dit j'ai pas d'autre choix, sinon je suis dans la merde. Moi ce que j'ai eu du mal à comprendre dans le comic, c'est ce que vous avez très bien expliqué, genre pourquoi Duncan il avait besoin d'elle, mais alors elle, je vois pas en quoi elle a besoin de lui vraiment. C'est un truc que je comprends pas dans ce duo de personnages. Parce qu'elle a pas envie d'être toute seule aussi. Voilà, elle se sent seule parce qu'elle est adoptée, parce qu'elle pense être différente de tout le monde. On sait qu'elle est différente de tout le monde, elle a les yeux qui s'illuminent. Et elle pense que Duncan il peut lui ressembler d'une certaine façon, et donc elle s'identifie à lui comme si c'était une famille, la famille des super pouvoirs bizarres, quoi. Et voilà, moi je trouve que cette première partie est vachement bien traitée. Ce que j'ai regretté, c'est la surabondance de super pouvoirs à la fin. Si ça avait été la seule à avoir des super pouvoirs de tout le bouquin, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Moi j'ai lu comme toi en VO, enfin pas en VO, enfin bon, j'ai lu jusqu'à la fin, donc pas ce qu'il y a dans le tome, et vraiment sans spoiler, j'ai eu un vrai problème avec la fin. J'ai vraiment que la fin elle arrive. Comme la fin. Mais c'est la fin du tome 1 en fait. C'est juste qu'il n'y a pas encore eu la suite. Ok, bon bah c'est un peu. Donc, oui. Mais ça fait fin fermée on dirait. Ça fait pas fin de tome, ça fait fin fermée. Bah non, parce que t'as envie de te demander. C'est une sorte d'ouverture quand même. Ouais, si, quand même. Il y a une conclusion au thème qu'il voulait dans le livre, mais c'est la manière dont c'est amené en fait, qui fait que lorsque t'arrives à la fin et que. Tu sais, à la fin de toute histoire, ton personnage est censé avoir. Il est censé avoir changé. Il est censé avoir évolué, appris des trucs sur lui-même, etc. Oui, Duncan, il a changé de cours. Non, Duncan, on s'en fout en fait dans l'histoire. L'histoire est pas sur lui. Mais le truc, c'est que lorsque t'arrives à la fin et que les personnages ont tous les deux changé, machin, et que t'en as un plus que l'autre qui a justement. Qui est censé avoir évolué en une meilleure version. D'elle-même, tu te dis mais ce que j'ai vu pour arriver jusqu'à là, c'était pas vraiment le propos que t'avais pas vraiment de propos en fait, c'est juste que genre il se passe des trucs et genre à la fin elle a changé et ok. Elle a changé de coupe et au fait elle va devenir cinglée et elle va ressembler à Duncan. Spoil, attention. Ouais, elle a changé de coupe. Ah, là, là. Il exagère de toute façon, mais non mais ouais, si c'est ce côté, je sais pas, c'est. Ah non, elle a changé de coupe. Hein, oui, elle a vraiment changé de coupe. Oui, non mais c'est pour le côté cinglé, etc. Non mais voilà, c'est le scénario a l'air d'avoir été fait de manière à vouloir mettre beaucoup de choses. Et c'est pas nécessairement la façon dont je l'aurais fait, je pense, parce que justement tu perds un peu ton lecteur à force. Cela dit, ouais, donc dessin, c'est magnifique. Je suis sur le cul. On à va chaque, commencer chaque par Romain. Vas-y. Est-ce que vous l'avez préparé tous les deux au final? Thomas, t'avais peut-être tout à l'heure, t'as levé la main. T'as un truc à rajouter au niveau du scénar? Ouais, bah enfin, le truc aussi que je trouvais assez classique. Wow, on a une attaque dans le studio. Mais en fait, c'était un peu pour revenir à ce que disait Jeunie, c'est que ouais, on a ce sort de schéma du personnage qui passe. Enfin, c'est une histoire d'adolescent, du coup, souvent dans les histoires d'adolescent, ça va être le passage de l'enfant à l'âge adulte. Ouais. Et il y a beaucoup de ça dans ce comics, mais justement, comme le disait Jeunie, il y a une sorte d'expédition un peu avec le personnage de. J'ai oublié le nom de la fille. Madison. Du coup j'en dirai pas plus sinon ça spoil, mais je trouvais que à côté de ça il y avait des trucs qui étaient beaucoup mieux faits dans ce style en comics, bon, dont Deadly Class justement, mais ça m'a fait beaucoup on penser à ça la dans le... prochaine. Ouais, c'est sûr, mais ça m'a fait penser pas mal à ça en tout cas. Ok, vas-y Romain, si tu veux parler du dessin vite fait. Moi je parlerai surtout des couleurs, c'est vraiment un truc qui m'a plu, c'est les couleurs saturées des années 80-90 avec beaucoup de violet, il y a beaucoup de rouge, j'ai beaucoup aimé aussi la couverture qui fait un peu référence dans les couleurs et tout à l'album des Sex Pistols Nevermind the Bollocks. D'ailleurs, il y a Never en gros dessus qui ressort bien sur la pochette. C'est petit clin d'œil. Ouais. Et d'ailleurs, petit, ce que Juni m'a demandé hier, mais pourquoi? Parce que le comic s'appelle Never Go Home, alors que le vrai titre c'est We Can Never Go Home. Et du coup, je suis allé sur Twitter et j'ai posé la question à Kléna. Alors, pourquoi ils ont. J'aurais demandé, attendez, je retrouve mon tweet. Pourquoi ils ont enlevé le We Can? Et Kléna m'a répondu. C'est trop Obama. Ils ont dit. Alors je leur ai pas cherché avant. Tu m'as dit c'est pour franciser le nom. Et ouais, ils voulaient mettre dit... America Strong Again Never Go Home. Mais du coup le truc c'est que ça. Enfin. Ils ont dit. Alors je demandais pourquoi vous avez enlevé Weekend de Weekend Never Go Home. Le titre était trop long. Et ils ont dit oui pour faire plus simple et plus adapté au public francophone. Bande d'anglophobes. Alors pourquoi garder un titre anglophone? Parce que quand tu rentres dans une boutique, tu te fais excusez-moi, il est où Never Go Home? C'est ouais. Facile à dire, alors que Weekend Never Go Home. Et sur la tranche. C'est juste, c'est un truc con, hein, mais je suis sûr que c'est juste pour ça. Ouais, cela dit, le seul truc sur lequel je regrette, c'est que du coup, ça change le sens du nom. Parce que c'est pas juste changer des lettres, c'est ouais. Never Go Home, ça veut dire en gros rapidement rentrez pas chez vous. Alors que Weekend Never Go Home, ça veut dire on peut pas rentrer chez nous. Et là, pour le coup, ça change vachement. Ouais, le sens, c'est un voilà. Peu changé. Mais je trouve que c'est commun à tout le bouquin au niveau de la traduction. On perd énormément de petites nuances qui donnent un côté beaucoup plus comme sombre à la VO. Ce qui est dommage de la part de Glénat, parce qu'ils étaient bien partis. Enfin, je sais que sur pas mal de trucs niveau traduction, Divin and the Weakness, ou qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait le Big Guy et Rusty Boy qu'ils ont retraduit. C'est vrai qu'on avait un truc de qualité, et là, d'entendre ça, ça me fait un peu chier en fait, parce que c'est la première fois que j'entends une. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu. Ah, la traduction était dégueulasse. Enfin, de plus Panini quoi. Mais oui, si c'était dégueulasse. Cette haine. Du coup, Juni, tu enchaînes sur le dessin. Ouais, donc il a parlé des couleurs. Et le truc qui m'a le plus marqué en fait, c'est les compositions et le style. C'est-à-dire qu'il a un style extrêmement réaliste, mais super propre. Je sais pas s'il l'a fait à l'ordi, je serais pas surpris d'ailleurs, mais il y a très peu de... Des fois, souvent dans certains dessins, tu peux trouver des petits points pour faire de la texture, ce genre de choses. Lui, il a pas tendance à faire ça. Le fait que le dessin est super réaliste, ça veut dire que forcément, niveau anatomie, perspective, etc., tu dois être au poil, et c'est pas nécessairement toujours le cas, mais c'est franchement une case sur 10, quoi, voire même plus, et... L'autre truc qui m'a le plus marqué en fait, au-delà de la finesse du dessin, des textures de vêtements et tout, c'est les compositions. C'est-à-dire qu'il y a des pages où dans la manière dont c'est composé, il y a un côté un peu cinématique en fait. Il joue vraiment avec le fait que tu joues un peu sur le temps, t'as une séquence avec un flic qui se fait jeter par une fenêtre. Et dans la manière dont il gère le truc, t'as trois cases. Et sur les trois cases, tu vas avoir une espèce de version un peu comme un slow motion en fait. Où tu vas, première case, t'as la fenêtre qui se brise et le mec qui sort. Et la case d'après, il a atterri dans la voiture et t'as les autres flics derrière qui ont commencé à avancer. Il joue un peu justement sur la tension que ça génère. Et il y a une page que je pourrais franchement avoir comme poster parce que les gars sont dans un motel et t'as des gars qui tapent à la porte en disant room service, et dans la manière dont la composition de cette page est faite, ils t'ont pas montré les criminels à l'extérieur entièrement, ils te montrent juste leur Cadillac pour te faire comprendre qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens, ils te montrent leur main avec le flingue et tu vois juste ça, et il y a une telle quantité d'informations juste dans cette image et dans la manière dont c'est composé qui fait qu'en fait on dirait un poster de film plus qu'une case finalement, voilà c'est ça, et c'est superbe. Mais en fait, chaque fin d'issue est fini avec une espèce de grande. Voilà, celle-là avait la meilleure composition, je trouve. Il y avait plus d'imagination et plus de narration dedans que dans les autres. Ok. C'était juste intelligent, en fait. Et c'est l'un des trucs auxquels je fais le plus attention quand je lis souvent. Thomas ? Un autre truc que j'avais bien apprécié dans la construction des cases, c'était avec les. Il y a certains dialogues qui étaient très inspirés. À chaque bulle de conversation, et ben on avait un nouveau plan. Et genre, ça donne une page où t'as 30 000 cases et à chaque fois un nouveau point de vue pour montrer. Bon, ça peut montrer différentes choses, comme quoi les personnages sont perdus, tout ça. Mais j'avais jamais vu ça auparavant et je trouvais ça assez original. Et moi, c'est ce qui m'a fait d'autant plus aimer ce comics, parce que le scénario, comme j'ai dit, il y avait un truc que j'appréciais un peu moins vers la fin, mais c'est vraiment le dessin qui m'a accroché jusqu'au bout, moi, en tout cas, parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs procédés intéressants, et puis même la physionomie de ces personnages, leur tête, je trouvais que c'était, même comment ils dessinent les lèvres, tout ça, j'aimais beaucoup son style de dessin, en tout cas. Ok, on va faire un dernier petit tour de table. Est-ce que vous conseillez, est-ce que s'il y a un tome 2, est-ce que vous allez l'acheter? On va commencer par Johnny. J'étais tenté de l'acheter pour le dessin, et en fait c'est le scénario qui m'a refroidi. Je le recommanderais pas nécessairement à quelqu'un. Par contre, je serais capable de l'acheter, mais juste à titre documentaire en fait, de regarder le dessin. Mais je pense pas que je relirais l'histoire parce que ça m'a pas marqué particulièrement. Ok, Maxime. À 10 euros, ça va. Donc, non, enfin. On sent le comptable derrière. Non, mais c'est pas ça. Mais genre, tu payes ça 20 euros. C'est surtout que en plus tu sais pas s'il y a une suite derrière, genre, donc je sais ce que c'est d'avoir des trucs dans ma bibliothèque, t'as numéro 1 et t'as pas numéro 2 derrière, t'es là oh, je vais tuer des gens, tu vois, donc à 10 euros ça passe. Il a parlé de meurtre d'enfant quand même. Bah, attends, ce monsieur arrête de regarder des vidéos parce que les bibliothèques derrière ne sont pas droites. Ouais. Wow. Tu sais, les planches elles gondolent des fois. C'est donc toi. C'est moi. C'est donc ou toi, parce le que mec les t-shirts sont pas repassés, tu vois. Ou le premier commentaire qu'il a mis sur une de mes vidéos, c'était le truc s'appelait Critique Flash. Il a mis Critique Flash égale 15 minutes. Et après, il a fait une petite test triste. Parce que. Non. D'accord. Voilà, c'est moi. Tu es un peu trop. Un peu trop, ouais. Jordan. Je lirai le tome 2. Et à ce moment-là, je vais savoir si je vais l'acheter ou pas. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de maladresses dans le tome 1. Mais si dans le tome 2, au fait, ça remonte en qualité et qu'on s'aperçoit que ces maladresses-là sont rattrapées, pourquoi pas? Ok. Ça peut être intéressant comme principe et ça change un petit peu. Tu sens le libraire qui a envie de vendre des livres? Non, non, non. Non, mais c'est justifiable. Hein. Ouais, mais des non, fois. Non, mais T'as des tomes 2 qui te rattrapent toute une série, ouais. Et t'as des tomes 2 des fois qui t'en font descendre. Si tu prends Arleston, tu prends Echo, Lanfeus, tu prends tout ça, les tomes 1 ils sont toujours splendides, ils sont toujours géniaux, et les tomes 2 ils sont pourris, les tomes 3 sont moyens, et de temps en temps ils nous font un tome bien. Et après ils vont dans l'espace. Et après ils vont dans l'espace, tout le temps. Et mais c'est un truc que tu retrouves, et dans le comic c'est pareil, des fois, là j'ai lu, comment ça s'appelle, All Stars, Batman All Stars qui vient de sortir de Snyder. Bah, le tome 1, bah, je me suis fait chier. Bah, je verrai le tome 2 si c'est mieux. Non, mais ne l'achète pas, je suis apparemment, c'est vraiment. Non, mais je vais pas l'acheter. Je suis libraire. Ah oui. Il y en a qui ont de la chance en fait. Moi je pense que. Non, je sais pas si j'achèterais le tome 2. En tout cas, je trouve ça cool de la part de Glénat de mettre en avant des petits éditeurs. Parce que c'est pas Image, c'est pas Marvel ou DC. Parce que tout a été déjà acheté au fait. C'est ça, est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Ouais, mais c'est quand même cool. Oui. Surtout qu'en plus, de ce que je vois de la version française, niveau fabrication, c'est plutôt stylé. Ah oui, mais Glénat, ouais, Glénat c'est toujours propre. Il y a plein de bonus super sympas à la fin. Enfin, même, je sais pas, il y a au moins 30 pages de bonus à la fin avec les différentes covers et des textes écrits par l'auteur, l'artiste. Enfin, c'est super intéressant. Alors, juste si je peux rebondir par rapport à un point de vue de libraire, alors c'est un très bel objet. Hein. Par contre, dès que vous l'ouvrez, vous avez une chance sur deux de péter le pelliculage et vous avez une BD dégueulasse à vie. Hein. Parce que The Weeknd and the Divine, on en a deux où le pelliculage s'est barré. Réellement, c'est parce que j'en prends soin, mais tu peux le faire. Enfin, l'objet est beau, mais la couverture est douce, c'est fragile. Tu peux te le caresser sur le visage. Je savais qu'il y avait un piège. Pour 20 euros, tu peux te la caresser sur le visage. C'est pour caresser le visage avec. Non, je sais plus. C'est 10, je crois. C'est pour ça que. Bientôt des vidéos sur Geekchic de Thomas en train de se caresser avec. C'est une sorte de fétichisme. Je suis sûr que c'est un nom. Thomas, est-ce que tu t'achèteras la suite? Est-ce que tu recommandes le comics? Bah, moi, je recommande le comics, rien que pour les dessins de base. Enfin, vraiment, c'est un artiste que je connaissais pas et je pense que s'il fait d'autres choses, j'aimerais bien suivre ce qu'il fait. Et je pense acheter le tome 2 pour savoir où ça mène, parce que j'ai bien aimé la première partie. Je pense que la deuxième partie, peut-être qu'ils se sont un peu trompés sur le. Peut-être que ça peut remonter plus tard. Donc je vais acheter le tome 2. Si le tome 2 me convainc vraiment, et bah je vais continuer la série. Mais voilà, je verrai. Romain. Ouais, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, mais il y a plein de ratés aussi. Okay. C'est plus ou moins compensé. Mais ouais, j'attendrai, je lirai le tome 2 et je verrai si je l'achète après. Parce que c'est sûr que c'est un très bel objet, ça fera très joli dans une bibliothèque. Mais si c'est juste pour faire une tranche jolie dans une bibliothèque, j'en ai plein des bouquins comme ça. Ok. Et bah on va finir l'émission bientôt, on va faire les petites recos. Avant ça, on vous l'a dit tout à l'heure, Maxime nous a ramené deux types. Non, t'as deux prints. Trois, ouais, le troisième il est en A3, je l'ai pas pu le transporter. Ok. Et moi aussi j'ai retrouvé des ex-libris à faire gagner. Donc on va faire un petit concours et on va le faire en direct. On va l'inventer en direct parce que je n'y avais pas pensé du tout. Soit je fais sur Facebook, Quelle est la signature de Bruce Timm? Dites-nous dans les commentaires. Ah, bravo, bah voilà. Trouvez la meilleure phrase d'accroche pour les débuts d'émission de Johnny. On fait un vote à la fin, il devra s'en servir toute l'année et en même temps on offre un ex-libris. Le problème, faudrait qu'il soit d'accord. Moi je veux bien, ça serait drôle. Sinon, écris les 50 fois cheval sur notre page Facebook. Non, c'est moi qui gère la page Facebook après. Donc, on va faire la question de Maxime était bien. Vous m'envoyez ça par mail à contact@comics. Je peux dire la question, j'ai pas. Quelle est la signature de Bruce Timm? On l'a dit dans l'émission. Bah oui, comme juste les gens qui comprennent. Ouais, vous m'envoyez la réponse sur contact@comicsdiscovery. Non, tu fais un post, ils le mettent dans les commentaires, tu vois, comme ça il y aura plein de gens qui ont écrit les commentaires et tu te feras censurer par Facebook. Non, tu vois. Mais on fera un autre concours sur Facebook parce que j'ai des cadeaux qui vont arriver bientôt. Dans les commentaires, donc il y aura un autre concours sur Facebook bientôt. Surveillez la page Facebook. On va faire un petit tour de reco culturel. Est-ce que notre invité a une reco? Notre invité, notre public est une reco culturelle. Tu peux faire une musique même. Tu l'as tué là. Ouais, je l'ai tué. Tu l'as sorti de son mail. On dirait un cerf qui vient d'être pris dans les phares d'une voiture. Est-ce que t'as une série, un truc à recommander, un film? On va faire le tour de table. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Tu verras après. Jordan. Moi je vais conseiller, c'est un roman graphique qui est fait par Zero Calgare, qui est un auteur italien. Ça s'appelle Oublie mon nom. Et c'est un très beau roman graphique sur comment retrouver au fait sa famille, et c'est l'histoire familiale. Et pour une fois, c'est pas du comics, donc c'est cool. Ok, Maxime. La semaine dernière est sorti Rayman Legends sur Switch. Si vous l'avez pas fait, faites-le, c'est le meilleur jeu du monde. Je l'ai en 5 exemplaires sur chacune de mes consoles. Tu veux choper tous les high scores sur tous les. C'est ça. Ok. Est-ce qu'ils sont droits dans ta bibliothèque? Oui, tu vois, j'ai mis des petites cales pour qu'ils soient tous au même niveau en haut. Juni, je me paume dans les prénoms. Tu sais ce que je vais dire? Non, tu n'as pas à parler de Bakufu. Si! Dernière fois. Ah non, c'est fini. Non, c'est parce que je suis à un stade de drogué puissant que, à mon avis, il n'y a que Jordan qui peut comprendre et je veux ouais. une suite. Et donc, en fait, allez spammer Wakfu sur le site de Ludo. Et comme ça, ça les motivera à faire une saison suivante. Ouais, voilà. Vous gagnez ce que vous voulez. Envoyez la réponse de Bruce Team à Ludo. Ils ne vont pas comprendre. Romain. Moi, je suis allé voir ça au cinéma. Ah putain, je l'ai pas vu. Faut que j'y aille. Mais il sort mercredi. J'ai fait l'avant-première. Ben, désolé. Si vous voulez, on peut parler de ça. Est-ce que c'est bien? J'ai adoré. Franchement, je trouvais que c'était un super hommage au premier film. Et puis même, ça va plus loin. C'est vraiment super intéressant. Et j'ai trouvé la construction vachement bien. Et c'est la première fois que je suis dans une salle de cinéma. Je me retourne et je vois aucune tête. Je vois que des sièges. Et tout le monde était terrorisé, enfoncé dans son siège. Ah, j'avais jamais vu ça. Alors, moi, depuis le premier film que j'ai vu quand j'étais tout petit, j'ai une phobie, mais vraiment une phobie des clowns. Et j'ai quand même envie d'aller voir le film. Et pourtant, ton personnage préféré est le Joker. Non, je sais pas lui, mais ouais. Un de tes méchants préférés. mais c'est vraiment ce clown-là spécifiquement qui me fait peur. Et tu me le conseilles ou pas? Ouais, franchement, ouais. C'est la construction du film est faite que, enfin, c'est, je veux pas trop spoil, mais c'est vraiment bien foutu. Thomas, merci d'oublier mon frère. Je savais pas trop de quoi parler, mais je viens de me rappeler que dernièrement je regardais la Justice League de la série animée de Bruce Timm et Paul Dini. Ah non, le vieux de Bruce Timm et Paul Dini. Et c'est ouf comment cette série elle a été un peu oubliée. Enfin, on se rappelle tous du Batman, mais pas trop non, de la Justice League. Même le Superman. Bah, vraiment surtout cool. les fans. Enfin, après tout le monde connaît la série de Batman, mais Justice League un peu moins. Et pourtant cette série elle est tout aussi bien écrite et tous les personnages sont super bien, enfin même Wonder Woman et tout, genre c'est super bien combiné et il y a plusieurs degrés de lecture, donc même pour ceux qui ont dépassé l'âge de 6 ans, ça reste sympa. Donc je recommande. Moi je vais vous parler d'un truc, il y a une nouvelle série sur Netflix qui est sortie. Je suis très très fan des trucs genre Faites entrer l'accusé ou ce genre de conneries. 13 Reasons Why. Voilà. je suis fan de 13 Reasons Why, j'aime beaucoup cette série. Mais le truc délire enquête et tout. Et il y a American Vandal qui est une espèce de parodie de ce genre de truc et notamment d'un podcast qui s'appelle Serial dont je vous ai déjà parlé ici. Et je me suis dit, je vais regarder un épisode comme ça. Il était 21h. Quand j'ai fermé mon téléphone, juste après, parce que je reste mon téléphone, il était 3h du mat et je me suis fait tout le truc. Et après, t'as posté un post sur Facebook. Ouais, voilà. Et c'était vraiment génial. Donc, regarder American Vandal, c'est vraiment très très très bien. Et du coup, Rocco culturel ou pas du tout? Bah moi perso, je suis en train de lire le premier volet de l'autobiographie de Bob Dylan et c'est super cool. Ok. Voilà. Et c'est un prix Nobel, donc good choice. Sympa. Et on va finir sur ça. On va finir avec une chanson qu'a choisi Johnny et c'est lui qui va dire le nom de l'artiste et la chanson. Temptation de Joey Badass. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I come here today to talk about how I feel, and I feel like that we are treated differently than other people, and I don't like how we're treated, and just because of our color doesn't mean anything to me. It's just the way I feel. Mine's been racing so long, yeah. It's just no way to deal with these problems alone. And I really can't take it no more. I've been fighting temptations, my lord. I'm young and I'm restless. Selfish people, I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. Now everybody got problems, yeah, but we didn't know one way to solve them. I really came up from the bottom, struggling my mama on the last dollar. Hustling, man, I've been putting in these hours. The government been trying to take it where it's ours. Really all about the money and the power. I just wanna see my people in power. Tell me how we gon' shape this vision. Complaining all day but in the same condition. If you wanna make change, it's gon' take commitment. Some people enslaved by their religion. Can't emancipate the fundamental prisons. What I see through optics, transform the wisdom. Watch me use my prophets, get them on the listen. I've been on a mission. And I really can't take it no more. Everybody got fights, yeah, but wouldn't know what good advice was till I leave him lifeless. Another mama crying, it's another crisis. Lord knows we're just trying to live righteous. Are you willing just to make the sacrifices? I know we can't continue living like this, and I never sell my soul cause that's priceless. Tell me how we gon' make a living. Hustle on the block, who gon' save the children? Man, it's all a plot and I'm just revealing. The media just trying to make a villain. I just take the pain and paint a picture. Voices in my head, I hear the whispers. When I feel it sway in hell, the swish of heart, sip the liquor, ah! And I really can't take it no more. I've been fighting temptations, my lord. I'm young and I'm restless, and I really can't help it. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. This is just the way I feel. My been wasting so long. Can't take it no more. I've been fighting temptation, my lord. I'm living on restless. I said, Logie, help me. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. To me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. Because y'all are treating us wrong. We do this because we need to.